Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Nos amis de CKJ, Michel Tifo et Dominique Bolduc ont parlé avec l'instructeur-chef Benoît Graton pour dresser le bilan de la saison des Marquis de Jonquière. Est-ce que Benoît Graton va revenir? Quels seront les changements? Benoît Graton répond aux questions de Dominique Bolduc et Michel Tifo sur les ondes de CKJ. Championnat du monde de hockey sur glace, le Canada vient de l'emporter. Ça n'a pas été facile. But gagnant de Mark Stone avec 2 secondes à jouer. Oui, exactement. Le Slovaquie qui avait créé égalité 5-5 sur un but en avantage numérique. Et finalement, le Canada qui l'emporte in extremis. Bon, ben on a félicité ce matin dans l'émission, puis même tantôt au début de l'émission dans le vestiaire, on a félicité l'organisation, les joueurs, le staff coach, les partisans pour la saison des Marquis de Jonquière. Là, on va discuter. Puis la question que je me posais tantôt, puis ça va être la seule question que je vais demander à Benoît Graton, Dominique. Après ça, je te laisse aller avec le coach. Est-ce qu'il sera de retour, Benoît Graton? Puis peut-être qu'il y a des fois des coachs, des hommes de hockey, c'est comme des politiciens. C'est prudent. C'est normal. T'sais, il est peut-être tôt pour poser la question à Benoît Graton. Benoît, d'abord, bravo pour la saison. Une belle finale. Ouais, merci à vous. Et la question, est-ce que Benoît Graton sera de retour derrière le banc des Marquis de la saison? Est-il intéressé? Oui, c'est ça. Honnêtement, je pense que je vais jouer aux politiciens, comme vous avez dit. C'est sûr que, tu sais, présentement, là, c'est encore un peu tôt. Là, j'ai plusieurs. Là, je travaille de mon côté là, dans ma région, puis j'ai quelques projets sur la table présentement, quelques offres. Donc, je vais m'asseoir avec Marc puis Éric Claveau là, dans les prochaines semaines. Puis, de mon côté, c'est sûr qu'il y a encore un intérêt. Je sais pas, encore une fois, là, j'ai pas parlé, là, comme je l'ai dit, à Éric et Marc, là. Donc, de leur côté, je sais pas c'est quoi leurs intentions, mais c'est certain qu'il y a encore un intérêt, mais comme j'ai dit, on va s'asseoir dans les prochaines semaines, puis je vais pouvoir vous répondre là, si on se reparle là, après avoir rencontré, après m'avoir assis avec l'organisation. Ça, c'est sans problème, on va toujours rester en contact. Ça a toujours été un grand plaisir de te parler, Benoît, parce que c'est toujours intéressant. On était capable de parler autant de la Ligue nord-américaine, mais d'autres sujets, parce que, bon, veux pas, t'as quand même touché à plusieurs calibres de hockey. Oui, mais moi aussi, c'était vraiment un plaisir, là. Honnêtement. Le lundi, ça a été une tradition, puis... chaque lundi, j'attendais l'entrevue, puis ça a été une belle expérience pour moi. Michel, je pense qu'on a trouvé un nouveau chroniqueur de hockey pour des histoires de hockey. Écoute, c'est vrai que tu me dis tout le temps que c'est un bon raconteur. Dans l'autobus, là, à un moment donné, ça pouvait être tranquille. Puis là, Benoît, il partait sur une histoire. Quand je vois en Autriche, j'étais à la fin. Écoute, c'était un délicieux. D'ailleurs, on a un raconteur, Benoît. Le vendredi, on jase avec Joe Hardy, ancien joueur de la Ligue nationale, puis dans l'AMH. Puis il est un fin raconteur. Puis Dominique, il me dit tout le temps, il dit, Michel, Benoît Graton, il est comme Joe Hardy, c'est un bon raconteur. Oui. C'est le fun. Surtout que vous avez joué du gros hockey. Là, ben oui, toujours des petites anecdotes, le fun. Ah oui, c'est certain. Puis j'écoutais ça quelques fois, là, je vous écoutais quand Joe était là, puis c'est vrai que c'est intéressant, puis c'est toujours plaisant là, d'entendre des histoires de joueurs, justement, qui ont eu l'expérience de jouer à l'extérieur dans différentes ligues. Donc, c'est des choses que, même en tant que joueur, là, j'aime entendre. Donc, c'est sûr qu'on pourrait, si je ne sais pas si je retourne l'année prochaine, on pourrait essayer de parler de quelques anecdotes ici et là, si jamais vous avez l'intention là, de continuer avec moi l'année prochaine, on pourrait travailler là-dessus, ça c'est certain. On se tient au courant, mon Ben. On va revenir sur le dernier week-end, les deux derniers matchs de cette série finale contre les Éperviers. Jeudi, encore une fois, ça n'a pas été facile du côté de Sorel. Comment t'expliques la bipolarité de ton équipe par rapport au Palais des Sports puis par rapport au Colisée Cardin? C'est drôle que tu dis ça parce que avant le match de vendredi, c'est exactement ce que j'ai dit à mes joueurs avant le match. Je disais, ma gang de bipolaires, est-ce que vous avez pris vos antidépresseurs aujourd'hui? Parce que c'est vraiment comme ça qu'on a été toute l'année. Honnêtement, j'aimerais ça expliquer. expliquer puis avoir trouvé la raison pourquoi on était comme ça, j'arrive pas honnêtement. Puis on a essayé de changer notre préparation, puis j'ai pas été capable, puis je pense en tant qu'équipe, on en a parlé beaucoup, puis on n'a pas été capable de trouver la raison pourquoi. C'est sûr que c'était un match assez décevant, surtout moi qui étais dans les estrades, là, de regarder ça d'en haut, c'était assez triste, merci. La raison pourquoi, je sais pas. C'est sûr que moi honnêtement, je pense qu'on a eu le meilleur début de match, probablement de la série. Oui. On a eu, je pense, deux ou trois échappés. On a marqué le premier but sur l'avantage numérique. Tout allait bien. Puis peut-être que là, on a tombé un peu dans l'indiscipline. Ils ont été vraiment opportunistes sur leur avantage numérique. Je vous dirais que les buts qu'ils ont marqués sur l'avantage numérique, c'était même pas des jeux où ce qui ont été vraiment construits. C'était vraiment, on dit en anglais, broken plays. C'était des jeux un peu brisés, un retour, un mauvais dégagement. Puis les rondelles se sont trouvées dans le fond de notre filet. Ensuite, je te dirais que ça a été difficile de revenir de ce trou-là. On s'est creusé un trou, puis on dirait qu'on avait peut-être pas l'énergie pour revenir dans le match. Et le lendemain, on a vraiment senti que les gars ont tout donné, puis peut-être pour cette occasion-là, le gardien de Sorel a connu son meilleur match. Absolument. Je pense que tu as mis le point vraiment là, parce qu'on mérite un meilleur sort, puis ça a été un de nos meilleurs matchs de la finale. Je pense que les chances de marquer, là, c'était 2 pour 1 pour nous. Puis je pense que les lancers aussi, c'était une chose comme 30-20 pour nous. Oui, exactement. Quand c'était le temps, je pense que leur gardien a fait le travail. Puis ils ont vraiment joué, ont vraiment fermé le jeu. Je pense qu'ils ont joué avec le feu, selon moi, là, en jouant comme ça. J'ai trouvé que ils ont arrêté de mettre de la pression sur nos défenseurs. Puis qu'est-ce qu'ils avaient fait, selon moi, toute la série. Je pense qu'ils ont joué beaucoup ses talons. Ils se sont tendus beaucoup. Selon moi, c'est pas ma philosophie, mais c'est ce qu'ils ont fait. Puis malheureusement pour nous, on n'a pas été capable de marquer. On a mis beaucoup de pression sur leur gardien. Puis comme tu as dit, je pense que le gardien a fait la différence. Du côté de Jonquière, le gardien Desjardins, je pense qu'il n'est vraiment pas à blâmer durant cette série-là, même s'il y a eu quelques hauts et quelques bas. Bon, le match numéro 5, Claude Bouchard qui l'a retiré après le 5e but, mais il a bien rebondi, surtout dans la première période où il y a eu plusieurs punitions lors du match numéro 6. Il vous a tenu dans le coup, là. Ah oui, honnêtement, Cédric, moi j'ai toujours dit, oui, peut-être qu'il a connu un moins bon match là, à Sorel, mais comme tu as dit, il a rebondi. Puis j'ai rarement vu Cédric, là, après une mauvaise performance, donner une deuxième, je dirais, contre-performance. Il a toujours été un gardien de but qui rebondissait de ses moins bonnes performances, puis on le voit encore là, dans le dernier match. Il était absolument, je dirais, en première période, comme tu as dit, avec les pénalités. Il a fait deux arrêts incroyables, puis il a gardé dans le match. D'après toi, Benoît, qu'est-ce que les Marquis ont besoin l'an prochain pour être encore une équipe très respectable dans la Ligue nord-américaine? Écoute, moi, je trouve que le côté négatif de la saison, c'est la stabilité, surtout en défensive. Je pense qu'il va falloir vraiment regarder les nouveaux joueurs qu'on va amener, si encore une fois, je suis encore avec l'organisation. Même si je suis pas là, je pense qu'on en a parlé pendant la saison. On s'est trouvé souvent, là, je sais pas si on a eu le même alignement deux ou trois matchs consécutifs là, pendant la saison. Non. Donc c'est quelque chose qui va falloir vraiment regarder, puis porter attention à essayer d'aller chercher justement des joueurs qui vont être présents, qui vont être disponibles en tout temps. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être important. Moi, je pense qu'encore une fois, défensivement, il faut s'améliorer de ce côté-là. Je pense qu'au centre, écoute, Jean-Simon là a fait un travail incroyable. Jean-Simon n'est pas un centre naturel. Je pense que tu regardes les bonnes équipes, peu importe dans quelle ligue, la ligne de centre, souvent, est toujours solide. Donc, encore une fois, je pense que de ce côté-là, il va falloir travailler à aller chercher peut-être un joueur de centre numéro 1. Donc, on va suivre ça de très près. Et si jamais il y a du développement de ton côté, Benoît, on se tient au courant, puis on va se reparler bientôt. Hey, parfait. Je vous remercie, les boys, puis je vous souhaite un bel été, puis en espérant qu'on se reparle d'ici peu. Merci beaucoup, Benoît. Merci bon beaucoup. Été. On se reparle bientôt. Bye bye. De toute façon, s'il ne revient pas comme coach, on va